Le survivant du Haskar par Charles de Varigny. Mollendo est un petit port du Pérou au sud-ouest d'Arequipa. Il sert d'entrepôt aux marchandises à destination de la Bolivie et du sud du Pérou et malgré son importance commerciale, renferme à peine quelques milliers d'habitants. Le personnage le plus important de Mollendo est l'officier préposé aux douanes. À l'époque dont je parle, il avait nom Don Pedro Arason, et il était loin d'être au complet. Outre une effroyable balafre qui lui couturait tout le côté gauche du visage, il lui manquait le bras droit, un œil et une oreille. De quelle terrible aventure était-il sorti à ce point avarié? C'est ce dont il parlait rarement. Un jour pourtant, ou mieux un soir, il nous en fit le récit, et ce récit est resté profondément gravé dans ma mémoire. Il se rattache à l'un des plus glorieux épisodes de la guerre de 1879 entre le Pérou et le Chili, épisode qui fit grand bruit à l'époque et sur lequel le silence et l'oubli se font aujourd'hui. Séparé par les plaines sablonneuses du désert d'Atacama qui se déroule parallèlement à la côte du Pacifique sur une longueur de 100 lieues, le Chili et le Pérou se disputaient la possession de cette région désolée. Des plaques blanches de cristaux nitreux y alternent avec d'énormes coulées de lave. Pas de végétation. Un soleil ardent. Un ciel d'un bleu implacable. Une côte sévère. L'eau fait défaut partout et l'on n'y trouve pas trace de vie animale. Les cours d'eau qui arrosaient autrefois ces vastes régions sont complètement taris. Le sol onduleux se relève et s'abaisse en monticules de sable et de roches coupées par des masses plutoniennes et traversé par des lignes de couleur sombre. Partout une nudité uniforme. De distance en distance, on voit surgir, du sein de la plaine, de gros rochers aux formes étranges, rappelant les ruines d'anciens édifices, avec leurs ouvertures béantes, leurs aiguilles hautes et fines qui contrastent avec les formes unies et arrondies des hauteurs. Ce sont des roches plutoniennes découpées, ciselées par l'action constante du soleil et du vent, et dont les parties les moins résistantes sont réduites en poussière. Pareille contrée n'était guère d'aspect à éveiller les convoitises de deux États possesseurs de provinces riches, fertiles, bien arrosées et prospères. Le désert d'Atacama semblait une barrière élevée par la nature pour marquer les limites de chacun d'eux et, s'interposant entre eux, prévenir tout choc et tout conflit. Mais cette barrière cessait d'en être une depuis que des explorateurs géologiques avaient révélé que ce sol aride et sablonneux, rebelle à toute culture, recelait d'immenses dépôts de salpêtre. Sous la mince couche de terre dont l'épaisseur n'excède pas quelques décimètres, on trouve un terrain de couleur claire, compact et composé en grande partie de gypse et de petites pierres que les chasseurs de salpêtre désignent sous le nom de costras, des croûtes. Sous cette croûte se trouve le salpêtre. Il se présente en couches très irrégulières, dont l'épaisseur varie de quelques centimètres jusqu'à plus de 2 mètres. La découverte de ces gisements avait déterminé au Chili comme au Pérou une véritable fièvre minière. Le désert se peuplait rapidement. Une ville, Antofagasta, s'y élevait, prenant un grand développement. Autour d'elle se heurtaient les mineurs chiliens et péruviens. Entre eux, les rixes étaient fréquentes et les conventions diplomatiques successivement conclues restaient sans effet. De part et d'autre, on s'accusait de les violer. Brusquement, le Chili mit un terme à cette situation en appelant aux armes. Il avait affaire à forte partie, la Bolivie s'alliant au Pérou. Mais il avait pour lui une organisation administrative et militaire supérieure et une excellente situation financière. Dès le début de la guerre, il prit l'offensive, s'empara du désert d'Atacama et d'Antofagasta, poussa ses troupes jusqu'à la frontière de la Bolivie et se prépara à lutter, sur mer, contre les forces navales que le Pérou pouvait mettre en ligne. Elles étaient redoutables et montées par d'intrépides marins. Au premier rang figurait le Huascar, monitor à tourelles et à éperons, armé de 5 canons Armstrong et construit de façon à pouvoir abaisser son bordage supérieur et à ne présenter à l'ennemi qu'un plat-bord de 6 pouces au-dessus de sa ligne de flottaison. Le capitaine Grant commandait le Huascar. Il passait, avec raison, pour le plus habile et le plus hardi marin du Pérou. Il avait sous ses ordres un équipage de choix, d'excellents officiers, et parmi ses enseignes de vaisseau, Don Pedro Arason. Âgé de 20 ans, il allait au feu pour la première fois, et se préoccupait fort d'y faire bonne figure. Ainsi que nombre d'autres en pareil cas, il se demandait avec inquiétude s'il était brave. La volonté y était, mais qui peut répondre de ses nerfs et de son sang-froid avant de s'être trouvé aux prises avec le péril? À cette question, la réponse ne se fit pas attendre. Le 16 mai, dit-il, le Huascar et la frégate cuirassée Independencia quittaient furtivement le port de Callao et dans la matinée du 21, ils arrivaient en rade d'Iquique où ils surprenaient les navires chiliens, la Cabadonga et l'Esmeralda. Ni l'un ni l'autre ne semblaient de taille à lutter contre nous, mais leur commandant était décidé à combattre jusqu'au bout et à couler plutôt que de se rendre. Le Huascar sur lequel j'étais somma l'Esmeralda d'amener son pavillon. Celle-ci riposta par une bordée à bout portant. Au crépitement des balles, au vacarme de l'artillerie, j'éprouvai une sensation d'étonnement, mais non de frayeur. La fièvre de la lutte me prit tout entier. L'Esmeralda gagnait le large. Nous la serrions de près, sans faire feu, cherchant à la percer de notre éperon. Deux fois nous laissâmes porter sur elle à toute vapeur, deux fois par un coup de barre hardi elle évita notre abordage, glissant près de nous, nous saluant au passage d'un feu de mousqueterie incessant. À la troisième fois pourtant, nous la prîmes par le travers. Un choc terrible, une secousse qui fit trembler notre navire dans toutes ses parties, ne laissait aucun doute sur le succès de notre manœuvre. Une large trouée s'ouvrait dans la coque béante de notre adversaire où s'engouffraient des torrents d'eau. Nous faisions machine arrière pour nous dégager quand le commandant Pratt de l'Esmeralda, à la tête d'une poignée d'hommes, réussit à se hisser sur notre pont. La lutte fut courte, mais sanglante. La compagnie de soldats de marine que je commandais en second, attaquée à l'improviste, plia sous la première décharge, mais se rua ensuite sur les assaillants. D'un coup de revolver, j'abattis le commandant Pratt qui tomba comme une masse, le cœur traversé d'une balle. Ses compagnons se firent tuer jusqu'au dernier, et quand le feu cessa, un monceau de cadavres encombrait notre pont. Une dernière bordée de l'Esmeralda éclata sur nous, et nous vîmes la vaillante corvette disparaître sous les flots, couverts d'épaves, de cadavres, de blessés, et d'hommes valides se débattant à la surface. Des 180 hommes dont se composait son équipage, nous en recueillîmes 60. Pendant ce temps, notre frégate cuirassée, l'Independencia, poursuivait la Cabadonga. Nous suivions des yeux les péripéties de cette course furieuse, dans laquelle le bâtiment péruvien forçait la vapeur pour couper la route à la corvette chilienne. Son commandant ripostait avec énergie au feu de l'Independencia. Ses deux canons, admirablement pointés, balayaient le pont, mais ne pouvaient mordre sur la cuirasse de fer. Profitant de son faible tirant d'eau et de sa parfaite connaissance de la côte, nous vîmes le commandant ennemi, auquel nous coupions la retraite, s'engager audacieusement dans les récifs, entraînant derrière lui l'Independencia, acharné à sa poursuite, et qui vint s'échouer sur un bas-fond. Bien que la Cabadonga fît haut de toutes parts, criblée comme elle l'était par la puissante artillerie de notre cuirassé, elle revient sur lui, l'écrase de son feu, ne le quitte qu'après avoir achevé l'œuvre de destruction et réussit, non sans peine, à rallier Antofagasta, où nous ne pouvons la suivre. Le combat d'Iquique était désastreux pour nous. La ruine de l'Esmeralda ne compensait pas pour nous la perte de notre cuirassé, perte irréparable, qui ne nous laissait que le Huascar de taille à lutter contre les cuirassiers chiliens. Nous regagnâmes le Callao pour réparer nos avaries, combler les vides de notre équipage, nous ravitailler de vivres et de charbon, et le 15 septembre, nous reprenions la mer, accompagnés de la frégate L'Union, navire de haute marche et d'évolution rapide. Le commandant Grant, promu amiral, nous commandait, et rarement homme de mer plus capable commanda des marins plus résolus. Le début de notre croisière fut heureux. Au large d'Antofagasta, nous capturâmes deux bâtiments chiliens. Plus au sud, nous rencontrâmes le Rimac, grand transport, chargé de vivres et de munitions, ayant à bord 258 hommes de cavalerie et des chevaux. Nous nous en emparâmes et convoyâmes nos prises à Arica. Reprenant la mer, nous doublons le 8 octobre le cap Agamos et relevons au sud les feux de deux cuirassés chiliens, le Blanco Encalada et le Cochrane, escortés de deux corvettes. Devant ces forces supérieures, l'amiral Grant donne l'ordre de virer de bord et nous remontons vers le nord quand l'homme de vigie signale une escadre en vue. C'était l'escadre chilienne du Nord qui nous barrait la route et laissait porter sur nous. Notre situation était des plus critiques. Derrière nous, l'ennemi avançait à toute vitesse. Devant nous, il nous disputait le passage. Mais notre amiral n'était pas homme à désespérer de la fortune. Il avait foi en nous, comme nous en lui. Inquiet toutefois pour le sort de l'Union, notre compagne, que sa coque de bois mettait hors d'état de tenir contre la formidable artillerie des cuirassés chiliens, il lui télégraphia l'ordre de gagner au large et de refuser le combat. Grâce à sa marche rapide, l'Union put se dégager et prendre la fuite. Resté seul, le Huascar, serrant la côte de près, se dirigea vers le nord en forçant de vapeur et en diminuant la distance qui le séparait du cuirassé chilien le Cochrane. L'amiral Grant était résolu à engager le combat avant que l'arrivée du Blanco Encalada et de l'escadre du Sud le mit aux prises avec tous ses adversaires. À 2 kilomètres de distance, il nous donna l'ordre d'ouvrir le feu, que le Cochrane essuya silencieusement, puis, arrivé à courte distance, il laissa porter et par une manœuvre hardie lança le Huascar à toute vitesse sur le cuirassé chilien pour le couler bas avec son éperon. Grâce à sa double hélice, le Cochrane évita le choc et les deux navires glissèrent l'un près de l'autre à quelques mètres de distance en échangeant de terribles bordées. Revenant sur nos pas, nous nous acharnons contre notre ennemi. Il nous faut, à tout prix, le mettre hors de combat avant l'arrivée du Blanco Encalada qui force sa marche pour nous rejoindre. En moins d'une heure, nous faisons sur lui 25 décharges de toutes nos pièces d'artillerie. Il riposte avec énergie, mais nous sentons sa résistance faiblir. La route va s'ouvrir, mais il se cramponne à nous et une bordée du Blanco Encalada nous annonce que lui aussi entre en ligne. Les projectiles n'avaient pas de prise sur notre avant. L'arrière était la partie vulnérable du Huascar, et c'était sur l'arrière que l'amiral chilien concentrait le feu de ses pièces de 300, dont un boulet démonta notre gouvernail. Vainement, nous essayons de le réparer. Les matelots chiliens, postés dans les hunes du Cochrane et du Blanco Encalada, balayaient notre pont d'incessantes décharges de mousqueterie. Nous ne gouvernions plus, nous n'étions qu'une épave ballottée par les flots, mais qui tenait bon. Sommés de nous rendre et d'amener notre pavillon, nous répondions par les feux meurtriers de notre tourelle blindée. Renfermé avec nous dans ce poste périlleux, l'amiral Grant soutenait une lutte désespérée. Sur l'ordre de l'amiral chilien, les deux cuirassés dirigèrent simultanément sur la tourelle le tir de toutes leurs pièces. Un obus finit par la transpercer et l'amiral Grant fut tué sur le coup. Toute résistance semblait désormais inutile, et cependant l'idée ne vint à aucun de nous de cesser le combat. Le capitaine Elias Aguirre prend le commandement et s'établit dans la tourelle démantelée. Acharné à la lutte, exaspéré par le combat, nous échangeons nos bordées à 300 mètres. Le Blanco Encalada, qui gouverne encore, réussit même à s'approcher jusqu'à 10 mètres alors que nous rechargeons une des grosses pièces du Huascar. Par l'embrasure béante, il décharge un obus de 300 qui éclate dans la tourelle, tue le commandant, les servants et démonte notre pièce. Il n'en reste plus qu'une seule en état de service, mais c'est assez pour continuer le combat. Le lieutenant de pavillon, Carvajal, le dirige. De nouveaux servants pénètrent avec lui dans la tourelle. Le feu reprend, plus lent, mais soutenu, jusqu'au moment où un obus du Cochrane, pénétrant par la brèche ouverte, fait éclater le blindage, renverse Carvajal et ses hommes. Il était alors 11 heures. La lutte durait depuis 2 heures. Notre pont était inondé de sang. La tourelle encombrée de cadavres, nos mains brisées ne nous permettaient plus d'utiliser les mitrailleuses de nos hunes, et cependant, le combat reprenait avec acharnement. Le Huascar multipliait les coups de son unique pièce, et le lieutenant José Rodriguez soutenait l'ardeur des combattants. Une décharge de mousqueterie partit des hunes du Cochrane, là-bas sur le pont. Je restais seul officier, debout, bien que blessé, avec une poignée d'hommes. Les canonniers étaient tués. Les matelots qui essayaient de les remplacer tombaient sous le feu des mitrailleuses, les obus ayant fait sauter la toiture de la tourelle. Sur le pont ensanglanté, incessamment balayé par le feu de 12 pièces déchargeant presque à bout portant des boulets de 300 livres, il n'était plus possible de tenir. Je masse mes matelots dans l'entrepont, pendant que l'amiral chilien fait cesser le feu, met ses chaloupes à la mer et lance ses hommes à l'abordage. Nous les recevons à coups de hache, de revolver et les jetons à la mer. Puis nous ouvrons les soupapes, résolus à couler plutôt que de nous rendre. Après, je ne sais ce qui s'est passé. Un éclat d'obus me renverse, je vois tomber mes matelots, un grand bruissement, puis un grand silence. Quand je revins à moi, j'étais sur un lit d'hôpital à Marillones. J'avais perdu un bras, un œil, une oreille. Mon corps n'était qu'une plaie, et mon visage fendu me rendait méconnaissable. N'importe, le Huascar ne s'était pas rendu. Tous ses officiers, sauf moi, étaient morts. 10 hommes restaient seuls. Aujourd'hui, ils ne sont plus, et je suis l'unique survivant du Huascar. Charles de Varigny.